Quelle énergie émotive peut-elle servir à former le double éthérique? Pas que le patron de l'hôtel voit ces feuilles-là? Ben non. Effectivement. Bon, comment l'énergie émotive peut-elle servir à former le double éthérique? On va répondre un petit peu plus tard. On va répondre, mais plus tard. Pourquoi les gens me trouvent agressif après tes conférences? Moi, je ne me vois pas comme ça. Sans doute parce qu'elle est plus agressive ou parce qu'elle est plus réveillée. Puis nécessairement, les gens vont trouver que si... J'ai déjà expliqué, à un moment donné, il y a une femme qui venait à quelques-unes de mes conférences jusqu'au jour où elle n'est plus venue, son mari qui est venu. Le mari est venu avec un couteau quasiment. Et puis là, il venait chez là, il était sacré, puis il y allait. Parce que qu'est-ce qu'on a fait à sa femme, puis c'était ci, puis c'était ça. Sa femme, elle ne massait plus quand il arrivait de travailler. Elle ne faisait plus la bouffe à tout bout de champ. Elle était peuple à vendre devant lui. Et sa femme a commencé à se tenir debout. Alors, le bonhomme n'était pas content. Alors, évidemment, de temps en temps, les amis, ou ceux qui nous entourent, c'est quoi être agressif? C'est quelqu'un qui veut plus se faire têter, peut-être. Alors, si quelqu'un veut plus se faire têter, il semble nécessairement agressif. Il n'est plus aussi manipulable par autrui. Bon. Donc, c'est perçu comme de l'agressivité. Tu dis souvent que Lazare était l'ami intime du Christ. Mais est-ce que Jean était très près du Christ aussi? Physiquement, Jean était beaucoup plus proche que Lazare. Et en amitié? Ou en... Ouais, en non, amitié. Jean était... C'était un ami-disciple. Alors que la majorité des autres étaient des disciples. Lazare était exclusivement un ami. Qui n'était pas un disciple? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je développe et comment ça se fait pour percevoir toute la subtilité d'un événement dans sa manipulation? Je suis consciente de manipulation astrale et de manipulation intelligente, mais des fois, c'est tellement subtil que je n'arrive pas à discerner si c'est l'astral ou intelligent. J'ai l'impression de me faire avoir, de tomber dans un piège, mais je n'en suis pas sûr. Par exemple, je roule en autobus lors d'un tremblement de terre. Résultat, pour moi, il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Tous les événements se sont arrangés avec facilité pour que j'aie un certain objet. Ah non, c'est une autre question. Donc, ça arrête là. Puis donc, qu'est-ce qu'il faut que je développe et comment ça se fait pour percevoir toute la subtilité d'un événement dans sa manipulation? Premièrement, tous les événements qui ne nous regardent pas, on n'a pas besoin d'apprendre à les percevoir. Alors, je roule en autobus lors d'un tremblement de terre. Résultat, bon. Le résultat, pour moi, il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Ben, c'est ça. Il n'y a jamais eu non plus. C'est pas bien compliqué. Qui c'est qui peut nous dire qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre sur la planète Terre? C'est pas bien, c'est faux, hein? Bon. Les gens ont ça dans leur mémoire parce que collectivement, ils l'ont mémorisé, ils sont convaincus qu'il y en a déjà eu un, mais il n'y a absolument personne qui peut nous le prouver. C'est pas bon. Ben, si tu vois des ruines... Ben, tu vois des ruines, est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà eu une bâtisse, là? Théoriquement, si les murs sont à terre, c'est pas des ruines. Oui, il y a peut-être toujours eu des ruines, là. Avant d'avoir des ruines, t'amènes pas des ruines dans une place, fais semblant qu'il y a déjà eu un édifice. Non? Non. Pourquoi d'abord l'humain bâtit des villes, puis après ça, lancer des bombes dessus? Tu essaies de me dire que l'humain est intelligent, là, qu'il bâtit pas des ruines. Non, il a pas dit qu'il est intelligent, mais il bâtit pas des ruines. Non, mais ces ruines-là ont peut-être toujours été là. Mais avant qu'il y ait une ruine. Avant qu'il y ait une ruine, il y avait peut-être rien. Puis ça pousse, ça, des ça pousse pas. Quand l'humain en a besoin, il en a. Il y a des ruines ou un édifice? Ce que l'humain va avoir. Très simple. C'est l'humain qui mémorise des choses, l'humain qui s'amuse. Il y a eu une époque où, après Charles Darwin, on essayait d'expliquer que l'être humain descendait non pas de Dieu, mais du singe. Et on a commencé à faire de l'archéologie plus conventionnelle, plus convenable, et puis finalement, on est arrivé à trouver des choses. Il manquait des éléments, il n'y a pas un chaînon manquant, il y avait une chaîne manquante. Et on a creusé, fouillé, on a archéologisé un paquet de places. Puis on n'a jamais rien trouvé de particulier, jusqu'au jour où c'était évident qu'il devait y avoir eu un début sur la planète Terre. Puis on ne trouvait rien, il n'y avait rien trouvé. À un moment donné, il y a une femme de dentiste qui se promenait, qui a trouvé à travers un chantier de construction, qui a trouvé des dents. Des dents de bébé. Elle a amené ça à son mari qui était dentiste. Le mari a regardé ça. Puis il s'est rendu compte que c'était pas des dents d'humains, que c'était pas des dents d'animaux, mais que c'était des dents. Il fallait que ça mange quelque chose. Alors, il a essayé de s'imaginer la boîte crânienne qui devait contenir ces dents-là. Et puis, c'était immense. Alors, il est allé sur le chantier avec sa femme, puis ils ont continué à chercher, puis ils ont creusé. Et puis, finalement, ils ont ramassé d'autres dents. C'est des dents d'un animal qu'on appelle le trachodon. L'iguanodon, pardon. Trachodon, pas de dents. Et à travers ces choses-là, ils ont continué à chercher. Puis, quand on a eu besoin de dinosaures, eh bien, subitement, on a commencé à trouver des squelettes. Puis, après ça, on en a trouvé partout, les squelettes de dinosaures. Ils n'existaient peut-être pas avant qu'on les trouve. Mais ça explique, ça permet dans l'illusion de l'homme de pouvoir expliquer des choses. Et puis après ça, ben là, on se rend compte que les dinosaures sont apparus de nulle part, puis qu'ils ont disparu subitement. Alors, il y a un problème. Alors, on a essayé d'inventer l'apparition du dinosaure, de la petite acide aminée en passant par la cellule qui grimpe sur la Terre, qui finit par puis aller dans l'eau. Et puis subitement, en dedans de pas beaucoup d'années, Brontosaurus, lézard tonnerre, ben, immense, Brachiosaurus. Sa tête, elle peut venir te regarder, te raser dans ta fenêtre du cinquième étage chez vous. Mais entre le bas et le haut, il manque des morceaux. Et puis subitement, plus de dinosaures. Un météorite serait tombé sur le plan planétaire, aurait levé tellement de poussière que ça aurait obscurci la planète Terre du Soleil, et les grands dinosaures se seraient exterminés. Pas les petits. Il manque des plantes. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Fait que quand l'humain a besoin de trouver une réponse, il trouve une réponse. C'est le tremblement de terre. Quand ça brasse, ça a peut-être toujours brassé. Quand ça brasse plus, ça a peut-être jamais brassé. L'humain cumule dans sa mémoire des illusions. Il s'invente un passé. Puis après ça, il croit, puis il s'attache à son passé. C'est ce qui lui amène un karma. Il s'imagine qu'il a toujours été pauvre, donc. Qu'il a toujours été comme ça, donc. Quand la conscience de l'homme va cesser de vivre du passé, mais vivre de l'instantanéité, tremblement de terre, tu as manqué un tremblement de terre, tu n'as rien manqué pendant tout. Il y en a qui ont décidé de se brasser, puis c'est tout. Il y en a un qui avait le Parkinson, il pensait qu'il était guéri. Tout le monde tremblait. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je développe? L'humain doit s'arranger pour vivre. La simplicité, c'est ça qu'il faut qu'on développe. Puis c'est le cas de le dire, il faut la développer. Elle est tellement emballée de complexité, il faut la développer. Bon, puis l'humain doit ôter l'angoisse, la peur, les religions, les espoirs, la foi, la croyance, l'intellectuance, les désirs, l'émotivité, puis tous ceux qui sont sur son dos. Puis là, il va développer la simplicité. C'est ça que l'humain doit développer. C'est tellement plus simple. Tous les événements se sont arrangés avec facilité pour que j'aie un certain objet que je considérais comme utile. Maintenant, je le considère toujours comme utile, mais j'ai aussi conscience que je ne l'utilise pas autant que je le devrais. Bon, là, je ne sais pas s'il y a une question là-dedans. De toute façon, elle ne l'utilise pas autant qu'elle... Que je le devrais. Mais c'est une illusion. C'est faux. Elle l'utilise autant qu'elle peut. On ne doit pas utiliser nécessairement quelque chose ou on ne doit pas faire des choses? Non, c'est qu'elle est manipulée à utiliser un objet 5 fois par jour. Et puis son ego, pour la faire chier, pour lui prendre de l'énergie, lui dit « Hey, la cave, c'est 7 fois par jour, devrait l'utiliser, c'est très fine, c'est très brillante, c'est très intelligente, c'est très... » Puis elle ne peut pas plus que 5 fois par jour parce qu'elle est manipulée. Fait que là-dedans, elle brûle de l'énergie. T'as un corps physique ou t'as un objet ou t'as n'importe quoi, puis tu te dis « crime, je l'ai, puis je m'en sers pas ». Mais tu peux pas. Si tu pourrais, en posant une question de même, si elle pourrait, elle veut, donc elle le ferait. Alors si elle veut, puis elle peut pas, c'est que si elle le fait pas, c'est qu'elle peut pas. Alors il y a l'ego qui se fait charrier, parce que ça anégoïse pas tellement, mais ça écœure l'individu, ça terrestrifie l'humain. Ça le culpabilise, ça le fait poser des questions comme ça, qui sont quand même une culpabilisation. Je veux savoir comment m'en sortir. Bien, décide que c'est 5 fois par jour que tu l'utilises, que c'est ça que tu dois faire. Puis voilà, c'est réglé. Puis problème. Tu le fais d'abord, tu décides ensuite que c'est ça. Ben exactement. Mais là, l'ego se fait charrier. Oui, mais je vois comme étant intelligent que... C'est totalement faux. C'est l'ego qui crée une fausse, une illusion d'intelligence. Tu ne peux pas faire autrement que ça. Bon. Quand la boîte de Kleenex est vide, tant que tu ne peux pas créer des Kleenex, elle est vide. Tu mouches avec la boîte, tu peux toujours. En tout cas, tu peux en mettre du stock dedans avant de l'acheter. OK? Bon. Mais à un moment donné, veut pas. Ça m'a pris le double du temps pour faire un trajet d'autobus, pour m'apercevoir en arrivant chez moi que j'ai rencontré une personne dans des circonstances telles que si j'étais arrivé avant un certain échange, si j'étais arrivé avant, un certain échange n'aurait pas eu lieu. Yep. D'abord. C'est une autre illusion intéressante. Je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y. Dieu créa le monde, la preuve que Dieu a créé les choses. Dieu, je parle comme l'animal humain parle, là. Parce que Dieu, rien, il n'a rien créé. Il n'a même pas pu se créer lui-même. Bon. Alors, la preuve qu'il y a un Dieu créateur, c'est que tout est tellement structuré, les plantes poussent, c'est organisé, il y a de l'orchestration, il y a les fourmis qui ont leur nid, puis qui élèvent des pucerons, puis il y a l'humain qui est capable de faire ceci ou cela, l'électricité, le petit électron qui chemine sur le fil et puis qui passe dans l'interrupteur pour venir nous éclairer de sa lumière. Bon, alors c'est tellement évident, les oiseaux qui arrivent à voler alors que l'homme n'est pas capable, les maringouins qui sont là pour te piquer. C'est tellement bien fait, c'est la preuve qu'il y a un créateur qui a pensé avec de l'intelligence et qui a créé une chose qui était organisée. Le monde. Alors, à un moment donné, il y a, dans la ville de Montréal, il y a une place intéressante où il y a des créateurs comme ça. Il y a des camions vidanges qui vont là et qui vident leur benne. C'est bourré d'immondices, là-dedans. Mais les mouettes qui vont atterrir là-dedans, les microbes qui vivent là, puis c'est bourré de fourmis et d'araignées. Prenons l'exemple des fourmis là-dedans. Les fourmis, eux, quand ils se promènent dans les bois, puis quand ils se promènent dans les détritus, puis tout ça, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, de l'organisation, mais c'est génial! C'est effarant! Nécessairement, le dépotoir a été orchestré de main de maître par une intelligence qui décide où mettre les boîtes de conserve, où mettre les aliments, où mettre les batteries. Mais c'est absolument génial. Il y a des lieux interdits parce qu'il y a une grosse machine qui pousse tout ça là-dedans, un bulldozer. Mais si tu suis les lois de Dieu, là, les bois, si tu suis les lois de Dieu, tu ne seras pas écrasé par le bulldozer quand tu y vas juste, quand tu peux y aller. Il y a des cycles. Il y a un temps où on bulldoze par là, tu déménages là. Il y a un temps où on bulldoze là, tu déménages là-bas. Il y a un temps où on en rajoute d'autres. Et à un moment donné, eh bien, il y a le feu prend là-dedans, mais ça, c'est parce que les fourmis ont mal fait des choses. Bon, tu peux créer des théologies très orchestrées puis très, très, très, très, très extraordinaires. L'événement, l'individu qu'elle a rencontré, l'intelligence, le fait, elle s'est trompée, elle est partie dans l'Est alors qu'elle reste dans l'Ouest. Bon, elle est revenue. Et puis, elle a rencontré un individu, puis un échange extraordinaire. Eh oui, eh oui. Et puis, elle a peut-être manqué l'échange de sa vie, par exemple, pour rencontrer celui-là. Ça, je sais pas, ça, là. Et c'est peut-être ça aussi qui va l'amener, à un moment donné, à... Et puis finalement, tout est parfait. Que tu manques ton autobus ou pas. C'est parce qu'on cherche des choses. On cherche des symboles, des significations. La vie, elle est faite pour que tu... C'est pas l'individu qu'elle a rencontré que l'intelligence... La manipulation de l'intelligence, c'était pas dans l'individu. Pourquoi devoir vous faire aller deux fois le trajet plutôt que de faire en sorte de vous rencontrer tout de suite au premier coup? On parle de manipulation d'intelligence, c'est de l'astral, ça. Vous partiez dans la tasse du bureau, vous rencontrez Paris. Mais non, mais rencontrez-vous donc quand c'est le temps de vous rencontrer. Non, où il y a manipulation de l'intelligence, c'est qu'elle a pris conscience de l'intérêt. C'est pas dans le déplacement. Tout le long, en s'en allant, elle a peut-être voyagé avec un paquet de mètres. C'est pas sa conscience. Tu vis le gros nez qu'il y a, tu vis les moutons qu'il y a là, tu vis celui qu'il y a là. C'est tout. Puis quand elle arrive là, pouf! Elle prend conscience de la valeur de l'humain. Puis là, elle trouve que la rencontre fait quelque chose. Je me regarde dans le miroir le matin. Faut jamais faire ça. Et je trouve qu'il manque quelque chose à l'onde de forme. Je n'y attache pas d'importance. Je me regarde encore dans le miroir le soir et je constate que les événements se sont arrangés pour que je reçoive, au cours de la journée, un collier qui est venu compléter l'onde de forme. Un collier, ce n'est pas nécessairement utile et indispensable pour vivre. Est-ce astral ou intelligent, tout ça? Ce qui est astral, c'est l'attachement aux événements. Le collier passe par son cou. C'est tout. Un jour, elle ne l'aura plus. Un jour, elle ne l'avait pas. C'est tout. Et puis, est-ce que c'est astral ou quoi que ce soit? Quand ce collier va avec l'onde de forme, ça nourrit l'ego. Ça nourrit l'ego. Pendant que l'ego est nourri, il vous laisse un peu en paix et fait d'autres choses. Et puis, si ça nourrit le corps physique parce que ça complète l'onde de forme vitale, tant mieux. Mais c'est l'attachement aux événements. Quand l'humain s'attache trop aux événements, c'est pas long qu'il devient orgueilleux, encore une fois, le snobisme de l'évolution. Il y en a qui se sentent missionnés par Dieu. Il y en a qui se sentent privilégiés par la destinée, par le destin, par l'événementiel. Et à un moment donné, ben, je dois être important parce que là, la vie fait tout en sorte que jamais je me réveille, oui. Parce que si je continue à penser que je suis réveillé, je ne ferais rien me réveiller. Quand je dors, puis que je rêve, que je travaille, puis que je suis réveillé, ben, je ne me réveille pas. Je suis réveillé dans mon rêve. Et c'est l'illusion. Alors, quand vous avez un collier, vous avez un collier. Quand on n'a plus de collier, on n'a plus de collier. Ça finit là. C'est de l'énergie. Ce sont des choses auxquelles, à un moment donné, je vais m'amuser, je vais éclater un peu plus sur la gestion de l'énergie. Ça va venir, mais pas ce soir. Ça va trop vite. Si une personne a la possibilité de remettre en harmonie énergétique les corps subtils des autres, est-ce intelligent de le faire ou nuit-elle à la révolution? Non. Ça fait rien, la révolution. Si vous le faites, de toute façon, qu'est-ce que c'est que l'humain pour nuire à l'évolution de quelqu'un? Qui c'est qui peut nuire à l'évolution de quelqu'un? Personne. Mais si tu interfères dans sa vie, oui. Ouais, comment tu fais pour interférer dans la vie de quelqu'un? Conte-moi ça. Ben, t'essayes de régler ses problèmes. T'essayes? Ouais. Fait que là, t'interfères? Non. Si t'es... Ou non? Mais non. Ben, si t'es règle, t'interfères? Non. Si t'es règle pas, t'interfères aussi? Non. Mais non. Comment pouvez-vous nuire à l'évolution de quelqu'un? Il n'y a personne sur la planète Terre qui est assez puissant pour ça. Ah non? Ben voyons donc. Tu peux pas aider personne, tu peux pas nuire à personne. Tu peux pas ramasser du karma de quelqu'un en essayant d'aider. Ben t'en ramasses du karma, parce que t'en ramasses du karma. Tu ramasses pas le tien. Vous vivez tous deux la même affaire. C'est plaisant pour l'humain. Mais l'humain peut pas nuire à personne. Il n'y a aucun humain qui nuit à quelqu'un. Absolument pas. Fait que tu peux faire ce que tu veux, tu nuis pas. Exact. OK. T'aides pas, tu nuis pas. C'est évident. Comment nuire à quelqu'un? Faites-le rentrer un témoin de Jéhovah. Vous l'aidez, vous l'ouvrez, vous lui nuisez. S'il rentre, c'est qu'il avait rentré. S'il rentre pas, c'est qu'il n'a pas rentré. Ça n'a rien à voir avec vous autres. Sa conscience, elle est tellement orgueilleuse qu'elle ne pourrait pas rentrer là-dedans sans qu'il y ait une apparence d'événement. Un peu comme l'individu ici, là, qui se perd en métro pour rencontrer quelqu'un. Il faut bien que la vie te donne une raison, toi, à l'ego. Sinon, comment veux-tu comprendre? L'ego va paniquer, reste là. Alors, on te fait travailler, on te donne des raisons. Alors, on te dit, quelqu'un va te dire, « Hey, tu devrais venir. » Combien de personnes s'efforcent d'influencer la vie d'un autre sans résultat? Puis il y en a d'autres qui s'efforcent de le faire, puis il y a du résultat. Il n'y a personne qui influence personne. Celui qui avait à bouger, il sert comme raison l'autre qui le fait bouger, puis celui qui n'a pas à bouger, il ne s'efforce pas. La journée, si tu as rentré des témoins de Jéhovah, tu vas rentrer pareil. Si c'est moi qui t'invite, tu vas rentrer parce que je t'invite. Non, tu vas rentrer parce que tu as rentré, puis la raison que tu vas te donner pour supporter ton entrée, c'est que je t'ai invité. Si tu n'as pas rentré, moi, t'ai invité tant que mon vouloir, tu ne rentreras pas plus. Je n'influence pas la vie de personne. Il n'y a personne sur la planète qui est capable d'influencer la vie d'un autre. Il n'influence même pas la sienne. Alors, il influence encore moins la vie d'un autre. La personne, elle ne nuit pas à l'évolution, pas toute. Nuit-elle à son évolution? Si une personne a la possibilité de remettre en harmonie l'énergétique, les corps subtils des autres, elle n'a pas la possibilité de les remettre en harmonie énergétique. C'est faux. L'individu se les remet, ou les corps se remettent eux-mêmes en harmonie, lorsque l'ego est capable de supporter une excuse, une raison. Je suis malade. Je vais avoir un réharmoniseur de corps. Je me couche sur sa table, à travers les énergies de tout ce qui sont passées avant moi. Et puis, tant qu'à parler d'énergie, il faudrait qu'il mette le feu à sa table pour purifier. Bon, pas quand je suis là. Ou que tu le fasses dans un micro-ondes. Ouais, c'est ça, qu'il y a à mettre des micro-ondes. Là, je me couche sur sa table, et puis après ça, il vient quand il me magnétise, il passe ses mains. Je m'autorise là à me réharmoniser, puis vu que je suis trop médiocre dans ma conscience pour me l'autoriser sans raison valable, je vais dire, c'est lui qui le fait. Moi, étant minus, je suis capable de me réharmoniser si je prétends que c'est un autre qui l'a fait. Ça me plaît. Fait que là, je te paye, puis là, je m'en retourne. Quand je me désharmonise, ben là, je m'en reviens te revoir pour pouvoir m'autoriser à me réharmoniser. Je te repaye encore, je me couche à la table, je fais tout le travail, toi, tu es là, tes mains, tu comprends pas trop ce que tu fais. Puis après ça, je m'en retourne. Tu sais ce qui se passe. C'est une autorisation que tu t'accordes de guérir toi-même ou de t'harmoniser. ça, ça fait partie encore des structures de manipulation de l'humain. Puis c'est de l'orgueil de pouvoir prétendre pouvoir nuire à quelqu'un. Il n'y a personne sur la planète Terre qui nuit à personne. Mais si la personne qui est là, qui harmonise ou qui se passe les mains au-dessus, là, elle, si elle n'était pas là, elle ne servira pas d'outil à la... Oui, mais elle est là aussi. Elle n'est pas là parce qu'elle veut, elle est là parce qu'elle est bonne à être là. Elle a essayé d'être policier, ils l'ont refusé. Elle a fait du magnétisme. Être intelligent, même si l'ego ne se sent plus bien, à éduquer des enfants. Est-ce seulement une phase de l'ego, un manque d'énergie, ou comment s'énergiser avec des enfants? En les têtant. Bon, être intelligent, même si l'ego ne se sent plus bien, à éduquer les enfants. C'est intelligent d'éduquer les enfants. Ben, c'est, oui. Maintenant, éduquer un enfant, c'est... Est-ce qu'on éduque des enfants? Ben, c'est ça qu'il y a, ou est-ce qu'on les tolère? Habituellement, l'éducation est une programmation extrêmement pathologique, maladive, de la part des adultes sur la conscience d'un enfant. Dans 99,999% des cas d'éducation, c'est comme ça. Bon. Il y a une restructuration totale à faire au niveau d'éducation parce qu'on essaie de forcer les enfants à devenir ce qu'on nous a forcé à devenir. Ça nous permet de nous excuser. Si je suis devenu, ça doit être bon. Fait qu'il va devenir pareil. Bon. Maintenant, éduquer un enfant, c'est le diriger. La problématique, c'est que l'enfant est totalement manipulé, lui aussi, par les forces astrales, c'est-à-dire par les forces d'involution, par le collectivisme, donc il est totalement manipulé par l'extérieur, par les autres jeunes, et jusqu'à l'adolescence, là où il y aura une manipulation, une possession de la part de mémoire d'adulte à travers un corps physique qui est en train de devenir un corps d'adulte, jusqu'à l'adolescence, l'enfant aura besoin d'être collectivisé, donc de vivre une éducation, faut qu'on lui permette de vivre une structure d'évolution typique de l'animal humain, jusqu'à un moment donné où il pourra possiblement éclater en tant qu'être humain, donc devenir absolument un teflon. Plus rien de ce qui est ancien qui va coller sur lui. Est-ce seulement une phase de l'ego, un manque d'énergie, s'énergiser avec des enfants? Pour s'énergiser avec des enfants, c'est ça qui est la grosse problématique. La meilleure façon de s'énergiser avec un enfant, c'est avec l'enfant d'un autre. Pourquoi? Parce que les égos finissent par être tellement en relation quand c'est les parents qui travaillent avec leurs enfants, qu'à un moment donné, il y a un épuisement là, parce que même s'ils veulent communiquer par l'intelligence, ils communiquent trop par l'émotivité. Quand c'est l'enfant d'un autre, c'est beaucoup plus facile de s'énergiser avec l'enfant d'un autre qu'avec son propre enfant. Parce que l'individu, si elle met son nom, je connais du moins un de ses enfants, j'en connais deux même, et puis toutes les relations que j'ai eues avec ces enfants-là m'ont énergisé. Ils ont énergisé les enfants. Mais elle a de la difficulté à le faire parce qu'elle vit avec ces enfants-là, donc les égos se connaissent. Se connaissant, il se manipule, et se manipulant, ben, il s'épuise en énergie. Pour que l'individu puisse arriver à grimper sa relation, donc son éducation, ou plutôt sa relation, à un niveau mental où il n'y aura plus de succionnage d'énergie, donc d'affaiblissement énergétique, parce que l'enfant est souvent gagnant là-dedans, ça c'est pénible, c'est compliqué. Que ce serait intelligent qu'un groupe de parents s'échange les enfants. Ben oui, je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on devrait faire. Les enfants des autres sont plus beaux que les nôtres, hein? On devrait les prendre. Puis quand on est écœuré des enfants des autres, on reprend un autre. Ah, qu'on va trouver beau puis fin avec. Puis quand on en a marre, on recommence avec les enfants des autres. Ce qui devrait se faire. Les enfants, là, ton fils chez vous, il rentre peut-être en salissant le plancher. Peut-être. Mais chez le voisin, il s'essuie les pieds. Puis le voisin, il rentre chez vous, il s'essuie les pieds. Mais chez lui, il rentre n'importe comment. Fait que tu gardes l'enfant des autres chez vous, il est propre. Tu laisses le tien chez les autres, il est propre. Il fait la vaisselle. Il fait parfait. Quand il devient très, très familier et que les égos commencent à se heurter, bien là, c'est le temps qu'on change de place. Tu dis ça à ta mère, pas de croix pas. Ben oui, c'est dit crime, ton fils, il est génial. Oh, ben c'est vous. Mais c'est vrai. Ça doit pas être la même. Sauf que la société n'est pas encore suffisamment évoluée pour concevoir l'idée qu'un enfant n'appartient pas, en termes de propriété légale, au géniteur, et que le géniteur n'est pas nécessairement le meilleur éducateur de celui qui l'a gémis. Mais ça pourrait s'échanger sur une base, le même principe qu'une garderie. Le matin, tu vas emmener ton enfant chez ta voisine, puis tu prends le sien, puis tu changes de voisine deux semaines après, ou d'enfant, ça veut dire? Il y a énormément de facilité dans l'éducation si on serait capable d'arriver à s'entendre autrement. Si l'enfant qui vient au monde, premièrement, l'enfant qui vient au monde est déjà la réincarnation du père et de la mère. Donc, la mère se réincarnant dans son fils ou dans sa fille, le père, la même chose, il y a immédiatement des conflits de personnalité entre les deux. C'est-à-dire que les parents ont souvent tendance à vouloir faire en sorte que l'enfant devienne ce que d'autres veulent devenir. C'est normal, l'enfant, c'est eux. Bien souvent, ce qui va arriver, c'est que l'individu s'entendant mal avec lui-même, il ne se reconnaissant pas, s'ennuyant de lui-même, l'individu qui est seul chez lui s'ennuie, fait que l'enfant, il va s'ennuyer avec. Bon, il y a des cas où on peut retrouver des exceptions, mais c'est la majorité des cas. Et ce qui va arriver bien souvent, c'est que celui qui s'entend bien, moi je m'entends bien avec toi, je devrais bien m'entendre avec tes enfants. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que tes enfants ressemblent peut-être plus à ta femme, puis je m'entends mal avec ta femme. Si je m'entends bien avec les deux, je devrais m'entendre avec tes enfants. L'énergie que tu as besoin de moi, ce n'est pas nécessairement celle que tu as retrouvée chez tes enfants. Elle est trop comme toi, ou trop comme ta femme. Alors, avoir trois femmes dans la maison, trois échanges similaires. Alors, à un moment donné, les enfants seraient plus facilement éducables, formables, ou dirigeables, ou laissés libres d'une façon écologique avec quelqu'un d'autre. Ils vont pouvoir devenir amis plus facilement que juste tant qu'ils n'ont pas de conscience d'individualisation, tant qu'ils ne sont pas suffisamment libérés de l'assujettissement génétique ou réincarnationnel qu'ils ont avec les parents, ça devient une problématique. L'enfant étant le véhicule qui reçoit la réincarnation du parent, nécessairement, il quitte le parent, il draine le parent. Le parent se réincarne dedans. Donc, l'enfant en profite. L'enfant ne le fait pas volontairement. Puis c'est une mécanique. Quand il rencontre quelqu'un d'autre, il peut moins le têter. Sauf si c'est un têtable. C'est pas tout ça. Une personne qui n'a pas de jeu, un jeu ou un moi fort, ne doit-elle pas le renforcer avant de s'en libérer? Absolument. Absolument. Et là, c'est con, mais c'est comme ça. Explique le phénomène du dessin sur le linceul. Si c'est le Christ, pourquoi a-t-il dit qu'il ne laissera rien pour l'idolâtrie? Bon, c'est pas le linceul, c'est le linceul. Linceul. La guenille. Bon. Il y en a un autre après. D'accord. Premièrement, la guenille. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nazaréen lui-même, lorsqu'il a... Ouais, j'en parle souvent, mais je commence à tenir à en parler. Jésus est mort sur la croix. Le Christ a crissé son camp, on le sait. Et le Nazaréen, qui était l'alliance entre Jésus et le Christ, Jésus-Christ, a été dissous sur la croix. Alors, l'enfant Jésus se réveillant sur la croix, plus de Christ, a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui meurt. Le corps physique est placé dans un tombeau. Le dieu métérique du Nazaréen, bon, j'en parle dans le séminaire, mais c'est plus là que ça m'intéresse d'en parler. Sur la conférence, j'en ai parlé suffisamment. Le Christ lui-même, donc le Nazaréen, revient prendre le corps physique. Avec son dieu métérique, il va donc éterrifier le corps physique. Et terrifiant le corps physique, il le désintègre totalement. C'est pourquoi on n'a pas trouvé de corps physique. Le désintégrant totalement, il va créer un rayonnement éthérique à travers le linceul, donc la guenille, et il va laisser un dessin. Le linceul, le suaire de Turin qu'on a retrouvé, n'est pas le linceul du Nazaréen, c'est le linceul de Lazare qui était, en tout cas, j'ai déjà parlé, m'en donnait avec, qui était conservé pour par la suite, en tout cas, il y a eu un paquet de phénomènes à l'intérieur de tout ça, et la dernière transposition d'un double éthérique dans le linceul ne date pas de l'an 0, enfin de l'an 0, disons de l'an 29. Le Christ étant né en l'an moins 3 avant Jésus-Christ. Bon. Alors, il n'a pas laissé de traces plus que ça. Il a laissé comme trace dans l'astral, il a laissé l'Église catholique, donc la chrétienté. Il a laissé un peu de sang dans une coupe qu'on appelle le Graal. Il a laissé un peu de sang sur une pointe d'argent placée au bout d'un bâton qu'on appelle la lance du destin, que Longinus, le soldat romain, a planté sur lui. Il a laissé deux clous qui sont attachés par des fils de cuivre après cette lance. Et il a laissé du trace comme ça. Là. Bon, c'est ça. Si l'univers se courbe, se résorbe-t-il, semblable à une balle lancée, atteignant son plus haut point et se courbant pour revenir à son point de tir? La résorption, bon... L'univers ne peut pas être fixe et l'univers, d'ailleurs, quand on parle de l'univers, parlons carrément de la création, elle n'est pas fixe, elle est en mouvement. Le mouvement est soit vers l'expansion, soit vers la régression. Étant donné que les astronomes ont constaté que les galaxies avaient une tendance à laisser une trace de rouge et d'infrarouge en arrière de leur déplacement, par les lois de la thermodynamique et de l'astrophysique, on en déduit que l'univers est en expansion, donc que les galaxies tendent à s'éloigner. J'ai déjà expliqué dans une conférence spéciale que l'univers n'est pas en expansion, mais que le temps est en courbure, étant donné que nous visualisons que toutes les perceptions que nous avons de notre création, enfin de cet univers qui est un univers local dans un super-univers, est fait à partir de notre système oculaire. Alors si on a deux galaxies et que le tube par lequel passe notre vision tend à s'étirer, Le temps de la circulation de la lumière prend plus et s'étire aussi, ce qui nous donne l'impression, nous observateurs, qu'en réalité, les galaxies s'éloignent, ce qui n'est pas le cas. Elles se sont éloignées lors de la création, lors des premiers refroidissements, c'est-à-dire lors de la minute suivant la création de l'univers. Par la suite, il y a la courbure spatio-temporelle qui continue, ce qui donne illusion, ça s'étire. Et dans quelques années, ça va arrêter. Et il n'y aura pas de résorption de l'univers tel que l'astrophysique le conçoit. En réalité, il y aura un éclatement de toute la structure énergétique qui permet l'expression créactivée, qui permet la création ou la matière ou même ce qu'on appelle l'énergie. C'est-à-dire que le ver, à un moment donné, va commencer à grossir sous toutes ses azimuts. C'est-à-dire que toutes les molécules vont s'épaissir, que le ver va prendre de l'expansion dans toutes les azimuts, moi aussi, le micro, tout le monde au complet, ce qui fait en sorte qu'étant donné qu'on va éclater tous en même temps, dans tous les sens, visuellement, on n'aura pas la perception de cet éclatement-là. Par contre, les soleils grossissant, l'espace entre les soleils va grossir, mais la courbure spatio-temporelle ne bougera pas, ce qui va faire en sorte que lentement, les soleils grossissant, là, je résume quand même un peu, ça va donner la même mécanique que si tout se rapprochait. Alors qu'en réalité, ça ne sera pas un retour, ça va être un éclatement par l'intérieur qui va faire en sorte que tout va se retrouver. Ça va donner le même résultat que le retour. Enfin, bref, on pourra parler longtemps, mais présentement, ce que nous vivons, tout ce qui se passe au complet sur le plan planétaire est une farce, une illusion. La perception que l'humain a de cette expansion n'est pas comme on le pense. Alors, ce n'est pas une balle qu'on lance ou ce genre de choses-là. Ça peut expliquer des mécaniques. Mais la vision cosmique du phénomène est un petit peu différente. L'organisme du travail, quand on perd son poste de direction et qu'on doit retravailler dans la même boîte, comment voir son travail? Diminution de prestige et de salaire. Il faut l'accepter tel quel. Il faut la tolérer. On ne l'accepte jamais rien. C'est le plan de notre planète. Il ne faut pas accepter. Il faut tolérer. C'est pas pareil. On accepte tout trop. On accepte qu'il pleuve et que ça nous mouille. Ah, c'est des lois de la nature. Mais changeons les. Ou achetons un parapluie. Oui, temporairement. À un moment donné, il pleuvra et ça ne te mouillera plus. Sans l'amour avec un grand A entre un homme et une femme, si on parle d'amour intelligent, comment on le reconnaît? De quelle façon on le vit sans l'émotion? Aimerait avoir le truc. Bon, l'amour avec un grand A, c'est philosophiquement ce que l'humain espère depuis qu'il l'aime. Et c'est ce qu'il espère que sera l'amour. Et il ne l'a jamais trouvé. Parce que l'amour, c'est une connerie. Bon. Si on parle d'amour intelligent, c'est le terme que j'ai amené pour différencier. Je mets encore le mot amour parce que les gens vont penser que si on s'aime pas, on se casse toute la gueule. Le respect. Le respect, c'est l'amour intelligent. Le respect, ce n'est pas de l'amour, c'est du respect. Mais quand on se respecte, on est au-delà de l'amour. On ne s'embête pas, on ne se nuit pas. Il est libre. Quand un homme et une femme se respectent mutuellement, se respecter, c'est pas se comprendre. Mais non. Quand l'humain comprend quelqu'un d'autre, il ne le respecte pas. Mais non, je comprends. Mais, bon, c'est pas se comprendre. Alors, quand un homme respecte une femme, quand une femme respecte un homme, c'est facile à reconnaître. Si vous voulez savoir si votre femme vous respecte, forcez-vous un peu. Achetez-vous de la teinture bleue pour les cheveux. Mettez-vous les cheveux en bleu. Puis si elle ne s'en mêle pas, elle vous respecte. Si vous voulez savoir si votre mari vous respecte, faites la même chose. C'est facile. Si vous vous respectez vous-même, vous allez avoir de la facilité égoïque. Vous ne serez pas trop manipulé à souffrir en vous colorant les cheveux. Et puis après, vous allez voir. Puis si l'individu s'en mêle, il ne vous respecte pas. Il vous aime. Et il va vous le dire. C'est parce que je t'aime que je te le dis. C'est simple, c'est très simple. C'est simple. On peut trouver un autre. Tes enfants te respectent-tu? Tu rentres avec les cheveux bleus par ta rive, puis ils te laissent tomber. Ils te laissent tomber, ils s'en vont jouer, puis hey, mon père, il a les cheveux bleus, ça c'est au bout. Ils te respectent. On dit, crème, mais les enfants, ils se foutent de moi, ils m'aiment pas. Ils se foutent pas de toi. Ils t'aiment pas. Pareil. Ils te respectent. Mais ils se foutent pas de toi. Ils t'aiment pas. C'est pas pareil. Puis c'est tant mieux. T'es libre, libre, libre. Tu veux une moustache, t'en as une. T'en veux pas, t'en as pas. Tu veux une barbe, t'en as une. Tu veux... C'est toi. Toi. T'es déjà assez manipulé, ben là, au moins t'es à paix. Les autres te laissent en paix. Alors, c'est déjà intéressant. Mais pourquoi ça se dit pas facilement comme ça? C'est que les forces d'involution ne veulent pas que l'humain se libère. Alors, on fait tout pour que ça regarde tout le monde. Sous le nom de... l'amour. La théorie de la relativité lie toujours l'observateur à l'observation et donc déduit qu'il n'existait pas de temps absolu mais relatif. Ben, ça va, c'est sûr. Comment cette théorie peut-elle être vérifiée si on ne dispose pas d'un observateur qui serait extérieur ou omniprésent et qui, lui, pourrait peut-être parler d'un temps absolu? Cette théorie ne peut pas être vérifiée. C'est pourquoi la théorie de la relativité est relative. Elle ne peut pas être vérifiée, elle se sait, elle se vibre, elle est évidente pour celui pour qui c'est évident. Les vagues de la mer ne font pas de bruit lorsqu'il n'y a pas d'oreilles pour les entendre. C'est ça la relativité. Alors on va mettre un micro. C'est une oreille. Ils vont se mettre à faire du bruit juste parce qu'il y a un micro. Votre miroir ne réfléchit pas les images quand il n'y a pas un œil pour le regarder. Essayez de le prendre sur le fait. Oups! Non, vous le regardez, il réfléchit. Regardez-le pas, il réfléchit pas. Rien à faire. Et ce n'est pas une farce. Parce que l'astrophysique s'est amusée avec les électrons, avec des nucléons, pour vérifier certaines choses. Et c'est là que les astrophysiciens, la majorité des astrophysiciens, n'ont pas de cheveux sur la tête. Pourquoi? Parce qu'ils arrachent tout. Alors, quand ils ont commencé à vouloir vérifier des choses avec la structure même de l'atome et des nucléons, des constituants de l'atome, des particules subatomiques, ils se sont rendus compte que la relativité était relative parce que les atomes se plaisent de présenter toujours le même visage à l'observateur. Puis s'il y a deux observateurs qui regardent en même temps le même électron, ils vont voir la même chose, comme s'ils étaient capables d'être à deux places à la fois. C'est ce qu'il fait. Alors l'astrophysique est pas mal plus proche de la religion que les religieux. La théorie de la relativité, ce n'est une théorie que pour ceux qui vivent la théorie, mais c'est un fait. Et le temps absolu n'existe pas. C'est de l'instantanéité, le temps absolu. Autrement dit, il n'y a ni passé, ni avenir, donc ni présent. Il n'y a pas de temps. Effectivement, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une quantité d'espace. L'espace, une quantité de temps. Alors, ça n'existe pas. Les physiciens ont découvert que les électrons n'existaient pas vraiment. Bien, c'est sûr. Mais avaient tendance à exister. Oui, ils sont virtuels. Mais aussi, j'ai tendance à exister, bien malgré moi. Les électrons sont prisonniers du noyau et tournent pour s'en échapper. Le noyau est prisonnier de l'électron, pas les électrons du noyau. Si la mécanicité est elle-même prisonnière d'elle-même, qu'est-ce qui décide que les électrons tournent? Est-ce que c'est les électrons ou s'il n'y a pas un électron? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y en a pas d'électrons. Ça, c'est une très bonne réponse. Quand on dessine un atome, on place un noyau, puis on place un électron, puis on dessine son orbite. Mais un électron ne voyage jamais en orbite. L'électron, il est partout. Puis quand on voit la trace de l'électron, quand on arrive à le localiser, on sait où ce qu'il est. Après ça, on sait où ce qu'il est, mais on ne sait pas par où il est passé. Alors, on fait un dessin. Les physiciens découvrent de plus en plus qu'on rit d'eux autres atomiquement. Puis on est tous créés d'atomes. On rit de nous autres en maudit, dans la forme. Alors, les physiciens ont découvert que l'électron n'existait pas vraiment. L'électron est virtuel. Il essaie d'exister. Il n'existe pas. Il est instantané, alors il n'existe pas. Par contre, étant donné qu'il y a 1 milliard d'instantanéités qui sont collées les unes sur les autres et que nous avons la possibilité de mémoriser les choses, nous créons le temps. Créant le temps, nous créons l'illusion du temps et nous créons la matière. C'est la trace de l'électron qu'on voit. Oui, mais l'électron n'a même pas existé, il est virtuel. C'est les influences que la matière ou que les particules subatomiques se font les unes sur les autres qui nous donnent l'illusion de leur existence. Bon, les électrons prisonniers du noyau. Pourquoi l'électron tourne autour? Premièrement, l'électron ne tourne pas autour, l'électron, il tombe dessus le noyau. Puis le noyau, lui, il se pose de l'électron. Alors, l'électron tombant sur le noyau se tasse. L'électron rectifie, le noyau se tasse. Il rectifie, il rectifie, il rectifie, il rectifie, et c'est ce qui crée l'orbite. Notre planète Terre est totalement attirée par le Soleil. Pourquoi elle ne tombe, pourquoi elle ne touche jamais le Soleil? Parce que le Soleil, elle s'en va direct dessus. Mais vu que le Soleil est toujours en fuite, pas un homme qui fuit, vu que le Soleil est toujours en fuite, la Terre n'arrive jamais à tomber dessus. La Terre est en chute perpétuelle. Mais pourquoi le Soleil fuit? Parce que le Soleil est attiré par le centre de la galaxie. Donc, il est en mouvement total, attiré vers le centre de la galaxie. Mais pourquoi il n'arrive jamais au centre? C'est que le centre fuit, attiré par le centre de notre univers. Et pourquoi? Parce que l'univers fuit, attiré par le centre du super-univers. Et pourquoi? Parce que le super-univers fuit, attiré par le centre de la création. Et pourquoi? Bien, la création ne fuit pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Ils courent tout après la trace du centre. Puis c'est plus clair après le séminaire, parce que là, c'est très, très, très c'est intéressant, mais c'est pas clair pour tout. Du point de vue individuel, avons-nous une destinée? Si oui, comment cela est-il déterminé? Et enfin, peut-on modifier celle-ci dans le cas, évidemment, où on en a une? Bien, si on en a une, si dans votre destinée, c'est prévu, vous la modifiez. Hein? Vous la modifiez. Si c'est pas prévu, vous la modifiez pas. S'il y a une destinée, l'humain ne peut pas la modifier. L'animal humain est totalement manipulé, totalement sujetti. On n'a pas le corps physique qu'on voulait, on n'a pas le nez qu'on voulait, on n'a pas les boutons qu'on voulait. On n'a pas la femme, on n'a pas le mari qu'on voulait, on n'a pas les enfants qu'on voulait. On s'en contente. Je suis d'accord, d'accord. Bon. On n'a pas la chaise qu'on voulait, on n'a pas la place qu'on voulait, on n'a pas gagné comme on voulait. On n'achète pas les billets pour perdre. On n'a pas les émotions qu'on voulait. On n'a pas la vie qu'on voulait. On n'a pas la mort qu'on voulait. On n'a rien de ce qu'on voulait ou de ce qu'on veut. Totalement manipulé, totalement esclave de quelque chose. Cette trame, c'est une trame d'évolution pour créer des corps physiques capables de supporter de l'intelligence. Quand l'intelligence touche le corps physique, je ne parle pas de l'intelligence là, qui fait que tu passes des examens, c'est de l'intellectuance, ça, capable de te servir de tes mémoires, c'est autre chose. L'intelligence, c'est quand on est capable de savoir une chose sans l'avoir apprise. Ça, c'est intelligent. Quand l'intelligence touche l'homme, l'intelligence devient un facteur qui s'immisce dans la destinée et qui n'est pas prévisible par la destinée. L'intelligence étant instantanée. La destinée étant mémorielle. Alors, lorsque l'intelligence touche, l'individu de l'animal humain devient un être humain. Il est assujetti à une destinée de transition. Une destinée melchizédienne. Une destinée de transition. Lorsqu'il vit cette destinée de transition, il n'est plus prévisible. Donc, il n'est plus astrologisable. L'astrologue ne peut pas savoir ce que l'humain va faire. Vous êtes Verseau, vous devriez ne rien avoir. Je l'ai déjà dit, si je veux tourner à gauche puisque Jupiter m'en empêche, Jupiter devra changer d'orbite. Alors, il me le permettra. L'humain n'est plus astrologisable. On ne peut plus prévoir. Même s'il n'a pas encore de libre arbitre. Et lorsque l'humain devient un être, il est totalement désassujetti de la manipulation planétaire. Il est libre. Il n'a pas de libre arbitre comme l'ego le voudrait. Mais il est libre. Totalement libre. Alors, là, la destinée, il n'y en a plus. Mais tant que l'humain n'est pas suffisamment intelligent, il est destinable. Il n'a pas le choix. Comment veux-tu que l'humain se dirige s'il n'a pas l'intelligence pour se diriger? L'humain passe son temps à poser des questions. Il ne répond pas. Alors, une chance qu'il est dirigé. Tu disais tantôt, on n'a pas la femme qu'on voulait, on n'a pas le travail qu'on voulait, tout ça. Si on arrêtait de vouloir des choses, ça ne réglerait pas le problème? Absolument. Sauf que l'humain ne peut pas arrêter de vouloir. La manipulation ne prévoit pas qu'il va arrêter de vouloir. Il faut que c'est quand? Qui va être écœuré d'être écœuré, qui va avoir un contact avec son ajusteur de pensée, qui va avoir de l'intelligence qui va commencer à s'immiscer chez lui, il va s'écœurer encore plus, parce que quand tu commences à voir le jeu et la farce dans lequel tu es planté, ça commence à être drôlement frustrant dans le début, c'est l'ego qui se frustre. Ça fait partie des mécanicités de récupération de l'évolution. Et puis à un moment donné, l'humain se libère de plus en plus, il apprend à rire, il apprend à simplifier les choses. Il y a une certaine personne, une fille en particulier, qui nous dérange beaucoup avec ses réflexions. Non, elle ne vous dérange pas, elle ne vous dérange pas. Pourquoi? Elle ne vous dérange pas, premièrement, elle est manipulée à parler. Et puis vous êtes manipulé à l'écouter. C'est tout. Si quelqu'un est dans le coma, peut-il avoir des émotions? Il a des émotions. Pendant qu'il est dans le coma? Il n'a qu'à sentir son corps physique. Qu'est-ce que ça sent, quelqu'un qui est malade? Ça sent quelqu'un qui est malade. C'est différent de... Ça sent la maladie. Oui. C'est des sécrétions endocriniennes. Une personne qui est dans le coma aussi. Mais ce qui est exprimé est différent. Est-ce que les morts peuvent nous influencer? On s'influence assez nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une personne morte, un mort? Un mort, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est une mémoire. Ce sont finalement un paquet de mémoires. Sauf qu'avant, elles étaient accumulées dans un corps physique, et maintenant, elles sont libres dans le monde de la mort. Et lorsque nous avons des contacts avec le monde de la mort, on en a régulièrement 24 heures sur 24, ça se réincarne. Lorsque le médium ou lorsque l'individu a un contact avec, ou lorsque des mémoires d'une personne décédée décident de se réincarner chez soi, ce qui est fréquent quand, lorsqu'on connaît la personne qui est décédée, eh bien nécessairement, l'ego est totalement manipulé. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que votre intelligence n'est pas manipulée. Elle est bloquée par l'ego. Mais l'ego, lui, est manipulé. Donc, tout ce qui est décédé, et même ce qui ne l'est pas, manipule l'humain. C'est pas juste le mort. De son vivant, il manipule. C'est pas le fait qu'il soit mort que ça manipule plus ou moins. Absolument pas. Absolument pas. Est-ce si grave que cela? Non, c'est pas grave. Non, OK. De tuer quelqu'un, si on a une raison intelligente et valable. Ça dépend de qui, là? Premièrement, pouvons-nous avoir une raison intelligente qui n'est pas valable? Donc, l'individu n'est pas prêt à tuer personne, parce que si on a une raison intelligente et valable. Valable veut dire accepté par l'ego. Donc, c'est intelligent, l'ego ne l'acceptera pas. Est-ce si grave? Qu'est-ce que c'est avoir une raison intelligente pour tuer quelqu'un? De toute façon, présentement, l'individu est assujetté à des lois. Si l'individu tue quelqu'un, il met de son énergie dans le monde. J'ai expliqué que les deux lois qui régissent l'animal humain dans l'évolution sont des lois de thermodynamisme, qui régissent d'ailleurs toute la création, tant qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. C'est que, de toute façon, vous perdez, et tout ce que vous allez mettre est aussi perdu, en plus. Alors, on n'a pas de raison intelligente de tuer personne. Il va mourir lui-même. Adolf Hitler, où il s'est gouré avec sa race aryenne, puis sa race d'évolution, puis sa race d'élite, c'était une guerre religieuse qui était le Troisième Reich. C'est que les égaux sont emparés du peu d'intelligence qui habitait certaines personnes de la société secrète, Gestapo, Wehrmacht, etc. Quand l'humain devient intelligent, première chose qu'il sait qu'il ne doit pas faire, c'est faire. Quelqu'un est totalement stupide, il pollue. Laissez-le polluer. Mais c'est pas brillant. Non. Mais éliminons-le. Non. C'est l'ego qui va décider ça. L'humain qui devient intelligent, il s'assoit dans son trou, puis il attend que l'intelligence s'en mêle. Il fait des conférences, peut-être. Il fait pas du porte-à-porte. Il force pas les gens à venir l'entendre. Il écrit des livres, peut-être. Il force pas les gens à les acheter. Il fait des films, peut-être. Il ne force pas les gens à venir le voir. Il fait des disques, des chansons, peut-être. Il ne force pas les gens à écouter. Il exprime de l'intelligence parce que ça l'intelligencie. Et tout. Puis en même temps, ça permet à d'autres gens intelligents de se regrouper. Et puis c'est tout. Et entre intelligence, ça crée quelque chose. Puis l'extérieur. Tu ne regardes pas l'extérieur. Tu ne regardes pas. Absolument pas. Alors, il y a celui qui est intelligent, il ne tue pas personne. Par rapport à la pollution, celui qui est intelligent peut d'abord commencer par... Ben, il pollue pas. Il arrête de polluer lui-même. Puis c'est tous les autres, ils ont ils polluent. C'est parti de leur plan de polluer. Ça ne sert à rien de dire un animal humain, ça laisse de péter avec ton automobile ou ça laisse de péter avec tes cheminées. Puis sinon, mon emploi, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pense-y. T'as raison, continue. Qu'est-ce qu'il se fait? Mettre des bouchons, mettre des filtres à cigarette au bout des cheminées. Est-ce que Lucifer pourrait devenir un être bon et que Satan soit en voie de le devenir? Mais si Lucifer tout est a toujours été un être bon. Si tout est évolutif, eux aussi doivent aller vers le bien. Ben, Satan est extraordinairement bon, puis Lucifer aussi. Il n'y a rien de mal à sa planète. Même le pape est bon. Ah oui? Eh oui. Lucifer et Satan, archétype catholique, juif avant, anté-nazaréenne, Ancien Testament. Dieu, bon et parfait, créa l'homme bon et parfait. Mais Dieu créa Lucifer bon et parfait, mais Lucifer devint mauvais et imparfait. Mais comment un être bon et parfait comme Dieu peut, s'il est bon et parfait, devenir imparfait et mauvais? C'est une maudite bonne question. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et si Lucifer nous manipule, il manipule Dieu aussi. Bon, on est mal parti. Changeons de religion. Lucifer veut dire porteur de lumière. Si on se fie à toutes les théologies qui prétendent que le Créateur savait ce qu'il faisait, c'est que Lucifer était prévu. Satan était prévu. Si Lucifer et Satan étaient prévus, c'était peut-être des excuses pour l'ego de l'homme, pour que l'homme accepte sa terrestrification, puis qu'il accepte d'accomplir une fonction qu'il ne peut pas connaître pour l'instant parce qu'il est trop refroidi, trop terrestrifié, trop de chair. Et en attendant, ben, on lui donne une culpabilité pour qu'il ne s'en retourne pas, pour qu'il accepte de rester ici le temps que l'intelligence arrive. Et on va dire, c'est une chute, t'as bouffé une pomme un jour, fais la porte. Pourquoi on l'a mis le pommier dans ma cour? T'auras pas bouffé la pomme s'il n'aurait pas été là le pommier. Ah, Dieu voulait te tester. Torieux. Il me crée parfait avec un goût de manger des pommes. Après ça, il met un pommier dans ma cour et il dit, mange-en pas. Un fou d'une poche. Après ça, il m'envoie un serpent, il m'envoie Lucifer. Voyons donc, on s'amuse avec quelqu'un, là. Et ce quelqu'un, c'est l'homme. Lucifer, c'est la partie qui habite tous les humains, la partie qui se rappelle la source. Et c'est la partie qui fait en sorte que l'humain évolue. Dans la tradition, on explique que Lucifer voulait aider l'humain. C'est ça. Satan, c'est la partie terrestrificatrice de l'homme. La partie planétaire de l'homme, la partie matérielle de l'homme, la partie jouissance, émotivité de l'homme. C'est la partie qui force l'humain à avoir peur de mourir. C'est la partie qui colle l'homme à la planète. Alors l'être humain ne peut pas se suicider, mourir trop vite, s'en aller. D'ailleurs, le monde de la mort l'empêche carrément de sortir. Mais l'humain ne veut pas s'en aller trop vite, même si Lucifer le tire, parce que Satan le terrestrifie. Et l'humain ne veut pas devenir rien que la matière, parce que Lucifer le tire. Équilibre entre la terre et le ciel. Alors, c'est génial. C'est ce qui fait que l'humain souffre aussi. L'humain est pogné entre le matérialiste, le spiritualiste, le matérialiste, le luciférianaliste, le sataniste. Quand la friction entre les deux engendre Riemann. Quand tu arrêtes d'avoir des émotions, tu te débarrasses de Satan? Quand tu arrêtes d'avoir des émotions, tu te libères de ton double anti-homme, Satan et Lucifer. Et tu te relis totalement à ton intelligence, à ton esprit. Et la partie luciférienne s'en va hanter quelqu'un d'autre, et la partie sataniste s'en va sataniser quelqu'un d'autre. Et plus l'humain se conscientise, plus le mal à l'extérieur prend de la puissance. C'est normal. Naturel. L'évolution, c'est de se départir de ce qu'on n'a plus besoin. Et on le met dans la création, dans le monde. Alors d'autres le prennent. Alors plus il y a de l'évolution de l'intelligence, plus il y a aussi de l'augmentation des forces d'involution. Eux vont devenir plus sataniques. Ben, ça va de soi. Ou nous autres, ça dépend qui va l'amorcer. En tout cas, disons eux. L'ego a mieux dire eux. Ceux qui vont l'amorcer vont devenir plus sataniques, donc plus difficile à endurer, donc il va falloir s'en égoïser encore davantage. Oui, pour qu'ils ne puissent plus nous manipuler jusqu'au jour où ils vont faire leur apocalypse pour se purifier. Mais ça ne regardera pas l'être humain. C'est l'animal humain qui va faire son apocalypse. Comment l'énergie émotive peut-elle servir à former le double éthérique? Bon. Le double éthérique, c'est un contenant. une réplique parfaite du périsprit du séraphin, de l'âme, de l'enveloppe de l'âme. Sans l'émotion, sans l'ego. Sans la réincarnation, sans les mémoires. Sans le passé, sans l'avenir. Lorsque l'être humain s'anégoïse, lorsque l'être humain a la faculté mentale d'intelligencer, de rendre intelligent sa vision à travers l'expression de son émotivité, de son émotion, lorsqu'il fait des conneries et qu'il se dit « maudit que c'est con », il intelligencie. Lorsque l'être humain intelligencie, il parvient dans son évolution à avoir une structure différenciatrice à travers sa conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain finit par prendre conscience qu'il est manipulé, qu'il est manipulable, qu'il est donc niaisable, et il finit par prendre conscience que ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait. Et c'est là la phase suprême de l'intelligenciation que l'homme, que vous devriez tous faire, hommes, femmes et enfants. Ça veut dire que lorsque je fais une connerie, au lieu de me culpabiliser, je dois me dire, est-ce que je voulais le faire? Non. Alors, je ne l'ai pas faite. Qui l'a faite? Le virus est chez moi. C'est ça qui l'a faite. Pas moi. Alors, je dois maintenant à moi m'arranger pour que ce maudit virus cesse de prendre le contrôle du corps et de faire en sorte que le corps serve de véhicule pour exprimer des choses que je ne considère pas comme étant intelligent, que je ne considère pas comme étant efficace, que je considère comme étant stupide. Moi. Et moi, je ne suis plus l'émotivité. Moi, je ne suis pas la peur. Moi, je suis l'intelligence. Simple. Et quand on fait ça, l'émotivité, l'astral, l'ego, la psychologie, l'âme, le virus, perd de la puissance, ne peut plus s'exprimer. Ne pouvant s'exprimer, il ne peut plus s'énergiser. Alors, il va tenter de vous récupérer. Il va vous envoyer des peurs. Il va vivre une peur. Il va vivre un manque de béquilles, un manque de support, un vide, un regret. Et il va demander de l'aide. De l'aide des forces d'involution, de l'aide des forces astrales, de l'aide des forces du ciel, qui, eux, vont manipuler votre entourage pour que votre entourage vous récupère. Si vous êtes maintenant trop puissant pour vous faire charrier de l'intérieur, on s'est arrangé pour vous charrier de l'extérieur. Si vous résistez, non, ils souffrent, mais c'est eux autres qui veulent souffrir. C'est pas à cause de moi. Si vous résistez à ça, alors à un moment donné, vous allez obliger votre ego à vous suicider. L'âme va vouloir absolument ne pas mourir chez vous. Alors elle voudra détruire le corps physique pour regagner le monde de la mort, là d'où elle vient. Si votre mental trouve la mort comme la vie neutre, allez rester vivant. Et là, ce ne sera pas long qu'il va se passer une nouvelle chose. C'est que l'ego aura besoin de s'exprimer. Alors, il va s'exprimer. Il ne peut plus dans le monde de la mort. Il ne peut plus dans la vie. Alors, il va s'exprimer dans le plan moronciel. L'endroit où les âmes se retrouvent lorsque le corps physique n'est plus capable de les retenir, mais avant le monde de la mort. Là où, si on réanime un corps physique, là d'où revient l'individu. Alors, il va se passer simplement que l'ego, l'âme s'exprimant dans le plan moronciel, va engendrer une copie conforme énergétique d'elle-même. Mais dans le plan moronciel, il n'y a pas d'hormones. Il n'y a pas de retour d'onde de forme. Il n'y a pas de corps physique. Il n'y a pas de mémoire émotive. Alors, tout ce qui est exprimé là devient un trésor fabuleux dans le plan moronciel. Et ça va créer un double séraphique de votre enveloppe périsprétique de l'âme. Ça va créer un double éthérique. C'est le monde éthérique. Le double éthérique lentement, parce que votre émotivité va être exprimée dans le plan moronciel et non pas dans le plan du monde de la mort ou dans le plan du monde de la vie. Ça va créer un corps qui va vous ressembler. Un corps que vous allez retrouver lorsque vous allez mourir. Alors vous ne gagnerez pas le monde de la mort. Vous êtes immortel. Vous avez perdu le corps physique, mais on s'en fout. Et si vous vous réincarnez, vous allez vous réincarner en vous rappelant ce que vous avez été. Ce qui est différent des réincarnations fusionnelles pluralitaires que l'humain vit depuis le début des temps. Il ne peut pas se rappeler ce qu'il était, qui est mélangé à travers tous ceux qui lui ressemblaient. Et à un moment donné, si vous avez un double éthérique suffisamment constitué sans perte de corps physique, celui-ci va se rapprocher de vous Le double éthérique permet un contact avec les plans supramentaux, des plans qui ne sont pas reliés à la mémoire expérientielle de notre planète. Des plans où je suis connecté, qui me permettent de donner des choses neuves. De répondre non pas avec la tradition, avec du neuf. Alors, à un moment donné, vous aurez la même faculté de répondre à vos propres questions. Vous n'aurez même plus de questions. Vous allez savoir tout ce que vous aurez besoin de savoir lorsque ça va être nécessaire que vous le sachiez. C'est ça l'intelligence, l'instantanéité, la liberté. Et lentement, votre double va se rapprocher à un point tel de votre corps physique qui va se fusionner à lui. Comme dans le cas du Nazaréen, vous aurez un corps de lumière. Et après, vous saurez après. Je n'ai même pas besoin d'en parler, vous saurez. Moi, ce qui m'intéresse de parler, c'est avant, pour en arriver là. Après, c'est beau. Mais après, vous saurez après. Vous n'aurez plus besoin de personne. Libre. Libre, libre, libre. En attendant, il manque encore des éléments, il manque des données. Bon, c'est pourquoi on fait des conférences, c'est pourquoi on vient à des conférences aussi, c'est parce qu'on est prêt. C'est pourquoi on fait des séminaires, c'est pourquoi des fois aussi on suit des séminaires, parce qu'on est prêt. D'autres informations, d'autres énergies, d'autres vibrations. Alors, quand on ne peut pas exprimer l'émotivité dans la vie, quand on ne peut pas exprimer l'émotivité dans la mort, mais on l'exprime entre les deux. J'ai souvent expliqué dans le séminaire que lorsque l'individu se sentait bouillonnant d'énergie, lorsqu'il venait de gagner la loterie, il devait partager. Il fallait qu'il ferme sa gueule. Toute cette énergie-là, elle va finir par être assimilée chez lui. Ça va prendre un bout de temps. Crainte obétérique. C'est un égoïste. À un moment donné, il va avoir encore gagné quelque chose, et puis ça ne le dérangera pas. On va dire, crème, il est froid. Il est solide. Il est quelque chose de bizarre. Ben oui, il est simplement égoïque. Pas d'émotivité. Il est puissant. Il perd sa femme, il perd son enfant, il perd son mari, il perd une main. C'est la même chose. Ça dérange quoi? C'est la vie. Il crée son immortalité. Il devient intelligent. Il se libère. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'ego... Des dangers dans tout. Bon, c'est ce que je me disais. On peut tomber par la fenêtre. Non, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Il y en a un. Que l'ego s'accapare de la recette et puis qu'ensuite, l'ego dise à l'être humain, bon, ben, réagis pas parce que tu gagnes la loterie, puis comme ça, tu vas créer ton double éthérique. Pourquoi tu penses que je fais un séminaire à un moment donné pour expliquer des choses que je ne veux pas expliquer en conférence régulière? C'est parce que dans un séminaire, je peux plus facilement brasser la cage de l'ego, ce qui permet à l'ego de libérer plus facilement le mental de l'ego, ce qui permet à l'individu d'avoir un mental plus restricteur de l'ego, ce qui permet à l'individu de poser des questions comme toi en sachant très bien que toi, tu poses la question, mais jamais tu ne laisseras ton ego s'emparer de ça. L'individu qui passe par ces genres de phases, à un moment donné, il y a les conférences régulières, il y a plusieurs autres choses où... Il y a des choses que je ne veux pas dire en conférence régulière, justement pour éviter que les égos des gens, c'est pas la faute des gens, mais l'ego étant ce que l'ego est, un virus, un emmerdeur, pour éviter que l'ego s'accapare de choses qui n'ont pas encore été suffisamment énergétiquement compris par le mental pour qu'il puisse contrôler l'ego dans son orgueil de posséder. Il n'y a pas de danger parce que lorsque j'en parle, c'est à des individus qui ont été préparés à l'entendre. Sinon, je n'en parle pas. Puis le pire qui peut arriver dans une conférence du vendredi, une conférence régulière, si je n'en parle pas, c'est qu'un individu soit frustré, il ne plus. Mais c'est tout. Pas de danger que ça. OK. Ça répond à ma question. Eh oui. Une autre question. Feu. Le double éthérique, ça entend éther. C'est la substance la plus proche de ce à quoi ressemble le double éthérique. C'est pour ça que tu l'appelles comme ça? Non, c'est parce que dans l'Antiquité, les êtres humains pensaient que la matière était constituée d'eau, de terre, de feu, d'air, et d'un principe actif qui l'animait, l'éther. Par la suite, la science plus cartésienne a décodé que l'éther, ça n'existait pas. Parce que l'éther, on avait pensé que l'éther était au-delà de l'atmosphère. Et lorsqu'on est allé dans l'espace, on s'est rendu compte que dans l'espace, il n'y avait rien, il n'y a pas d'éther. Et le terme ésotérique est resté, corps éthérique. Pourquoi? Parce que l'éther, ce n'est pas de la matière. L'éther, c'est une forme de supra-énergie, qui est donc au-delà de l'énergie, qui vibre, son rayonnement et sa vitesse de déplacement est beaucoup plus grande que la vitesse de la lumière, qui est restreinte à 299 792,5 km à la seconde dans notre monde. c'est plus rapide. Ce n'est pas connu de la science cartésienne, c'est connu de la science intuitive, du savoir, et non pas de l'intuition théologique. Ils peuvent en parler un peu, mais il y a des problèmes émotifs là-dedans. Alors, le phénomène de l'éther, c'est un mot qui est conservé. De toute façon, il faut des mots pour définir des domaines, des choses. C'est une logie, une nomie plutôt. Alors, lorsque l'on parle de la vie, on parle du corps éthérique. Et on parle aussi du corps vital, qui finalement est la même chose. L'énergie, le corps éthérique planétaire, c'est de l'énergie supramentale terrestrifiée. Donc, c'est de l'information qui a été dénuée de toutes ses formes. C'est-à-dire que lorsque l'individu a un contact avec le monde éthérique, à part le repos, comme dans le sommeil, parce que lorsque l'être humain dort, il fait un voyage astral, il traverse le monde éthérique, c'est là qu'il se repose, et il va dans le monde de la mort, c'est là qu'il se fait épuiser. Alors, quand on dort mal, c'est parce qu'on a passé trop de temps dans le monde de la mort, pas assez dans le plan éthérique. Et l'individu